الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. حياتك بيديه. Ta vie se trouve entre ses mains. وقلبك بين أصبعيه. Et ton cœur, frère ou sœur, se trouve entre ses doigts. ورزقك عليه. Et ta subsistance soit tranquille, elle est assurée par lui à 100%. Wa bidayatuka minhu wa nihayatuka ilayhi. Al bidaya wa nihaya minhu wa ilayhi. Ton début fut à partir de lui, et ta fin ou ton retour sera vers lui. Fa'amal 'amalan yasurruka idha waqafta bayna yadayhi. Donc accomplis une œuvre qui te rendra heureux quand tu t'arrêteras entre ses mains. Hayatuka biyadayhi, qalbuka bayna usbu'ayhi, rizquka 'alayhi, bidayatuka minhu, nihayatuka ilayhi, fa'mal 'amalan yasurruka idha waqafta bayna yadayhi. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. قال تعالى في حديث قدسي. Dieu le Très-Haut dit dans une parole sainte, sacrée. وما نظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. Y a-t-il plus injuste que celui qui a voulu créer comme ma création ? وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِ وَأَنَا أَقُولُ مَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ بَدَأَ الشَّكُّ يَصِلُ إِلَى إِيمَانِهِ لَمَّا سَمِعَ بِأَنَّ الْعُلَمَاءِ فِي الْبِيُولُوجِيَا إِسْتَطَاعُ الْوُصُولَ لِلْإِسْتِمْسَاخِ. Et moi je dis, y a-t-il plus injuste que celui dont le doute a touché sa foi lorsqu'il a entendu les savants en biologie qui ont pu réaliser le clonage ? والاستنساخ ما هو إلا إيجاد صورة مطابقة للأصل لإنسان كائن موجود. Et le clonage n'est que le fait de faire une copie conforme à l'origine à partir d'un être qui existe déjà. Et ceci à partir de l'une de ses cellules. Donc où est la création ? La vraie création, huwa khalqu shay'in min la shay. La vraie création est le fait de créer une chose à partir d'aucune autre chose. Hada mustahil بالنسبة للبشر. Ceci est strictement impossible pour les humains. قال الخالق الحقيقي. Le créateur véridique dit: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق. Y a-t-il plus injuste que celui qui a voulu, qui a essayé de créer comme ma création ? فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً. Il leur dit, créez un atome. أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً. Créez un grain de blé. Vous voyez le grain de blé ? Dans le grain du blé, il y a de la vie. Lorsqu'on le met dans le sol, il pousse, il y a une vie. Essayez de créer un grain sec, mais qui contient de la vie. فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً. Créer un grain de blé, أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرًا. Ou qu'il crée un grain d'orge. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Unanimement authentique. البخاري ومسلم. فَاللَّهُ تَحَدَّ الْبَشَرِيَّ جَمْعًا. Dieu a lancé un défi à l'humanité entière. أن تخلق أصغر ما خلق الله. Que l'humanité crée la chose la plus petite que Dieu a créée. وهي الذرة. Qui est l'atome. Allah lam yaqul lahum ukhluqu ash-shams. Dieu ne leur a pas dit créer le soleil. Allah lam yaqul lahum ukhluqu al-majarra. Dieu ne leur a pas dit créer la galaxie. La ukhluqu dharra wa laysa majarra. Créer seulement un atome. الذي لا يستطيع ان يخلق ضره كيف تقول له اخلق مجره celui qui est incapable de créer l'atome ou la molécule, comment on va lui dire créer la galaxie? D'abord commence par l'atome. فإن لم تستطيع, dans le cas où vous êtes incapable, فاعلموا ان لا اله الا الله, dans le cas où vous serez incapable de le faire, sachez qu'il n'y a aucune divinité à part Allah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan rasulullah as-sadiqul amin. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Qala sallallahu alayhi wa sallam, il dit prière et salut sur lui, ma min shay'in أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. Il n'y a pas une chose aussi lourde qui sera posée sur la balance du croyant ou du serviteur croyant le jour de la résurrection plus que le bon caractère, plus que le bon comportement. رواه الإمام الترمذي, rapporté par l'imam الترمذي, من فاقك في حسن الخلق فَقَدْ فَاقَكَ فِي الدِّينِ. Celui qui te dépasse dans le bon caractère, celui qui te dépasse dans le bon comportement, frère ou sœur, il t'a dépassé dans la religion. Même si tu fais 1000 unités de prière par nuit, si tu n'as pas le bon comportement, tu ne vaux rien auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, auprès de son prophète. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujoum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra, et au nom des sables du désert, wa awladi adama wa hawa, et au nom de la descendance d'Adam et Ève, amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wal-akhawatu fil islam, après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, أحباب الحبيب محمد المصطفى خشير بينمي محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام, pour lequel on souhaite et on demande les meilleures prières et les hautes salutations. هناك مرض اليوم, il y a une maladie aujourd'hui, أخطر من مرض السرطان وأخطر من مرض السيدا, il y a une maladie qui est plus dangereuse que celle du cancer ou celle du sida. Takallamna fil jumu'a al-madiya 'an al-marad. Dans le vendredi dernier, nous avons abordé la maladie. Walakin marad az-zukam aw al-influenza yaj'alu aw yujlisuk usbu'an, mais la maladie du rhume ou de la grippe te fait terrasser pendant une semaine. Et Dieu absout, pardonne tes péchés pendant la maladie. Ton Seigneur te purifie. Mais il y a une maladie plus dangereuse. La tutahhiruk, la taghfir dambak, tub'iduk min Allah. Il y a une maladie qui ne te purifie pas, qui ne te pardonne pas les péchés, qui t'éloignent de Dieu. هذا المرض, cette maladie, يسمى نسيان الله, s'appelle l'oubli de Dieu. هذا المرض أصاب الأفراد, cette maladie a touché des personnes. الجماعات, des communautés. الدول, a touché les pays. الأمم, a touché des nations. إلا من رحم الله, à part celui qui est touché par la miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala. ونسيان الله ظلم كبير, l'oubli de Dieu est une grande injustice. نوع من أخطر أنواع الفسوق, une catégorie parmi les pires des catégories de perversité ou de dévergondage. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ فَأَنْسَاهُمُوا أَنْفُسَهُمْ كلام الله أمر من الله للمؤمنين وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمُوا أَنْفُسَهُمْ Ne soyez pas un ordre de la part de Dieu sous forme de verset coranique. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu. Et il leur a fait, ça veut dire Dieu leur a fait oublier leur propre personne. Oulaïka humul fasiqoun. Ce sont ceux-là les dévergondés, ce sont ceux-là les pervers, les pervers. Amrun min Allah, un ordre venant de la part de Dieu. Bi an la nansa, qu'on ne l'oublie pas. Walladhi yansa, et celui qui oublie Dieu. Est un pervers, est un dévergondé pour Dieu ou bien auprès de Dieu. Vraiment, il s'agit là d'une maladie. On vit sur sa terre, sous son ciel. Chaque jour, on se nourrit de sa subsistance. À chaque instant, on respire son air. À chaque moment, on boit son eau. Et on l'oublie. Sans lui, on ne peut pas vivre. Et on l'oublie. Et on ne pense pas à lui. Et on ne fait pas le lien entre les bienfaits et le bienfaiteur. Dhikrullah, ibad, l'évocation de Dieu, se rappeler de Dieu, penser à Dieu est une adoration. Et l'oubli de Dieu est une perversité. Dhikrullah, huwa a'dham ibad, le fait d'évoquer Dieu est la plus grande adoration. أن لا تنسى الله في كل لحظة من حياتك. Le fait de ne pas oublier Dieu à chaque instant de ta vie est une adoration. عبادة. ولما أقول ذكر الله, lorsque je dis l'évocation de Dieu, لا أعني أن أقول سبحان الله. Je ne signifie pas par là le fait de dire سبحان الله. Gloire et pureté à Dieu. الحمد لله. Louange à Dieu. الله أكبر. Dieu est très grand. باللسان. Avec la langue. Et il se peut que pendant l'évocation, le cœur est absent. Lorsque je dis l'évocation de Dieu, ceci signifie ne pas oublier du tout Dieu. L'évocation de Dieu, le rappel de Dieu, c'est le. Ceci signifie que tu ressens de ton intérieur que Dieu est avec toi. Aynama kunt, là où tu es, fil amal, Allahu ma'ak, dans le travail, Dieu est avec toi. Fi shari', Allahu ma'ak, dans le boulevard, dans la rue, Dieu est avec toi. Fi souq, anta tabi', anta tashtari, dans le marché, tu es en train de vendre, en train d'acheter, Allahu ma'ak. Dieu est avec toi. Tu te rappelles de ça? Fil bayt, Allahu ma'ak. Chez toi, dans la maison, dans le foyer, tu ressens que Dieu est avec toi. Lamma takun wahdak, ma fi bashar, tuhiss bi anna Allah ma'ak. Lorsque tu es seul, tu sens que Dieu est avec toi. Fil rida, Allah ma'ak. Lors de la joie, lorsque tu es content, lorsque tu es satisfait, Dieu est avec toi. Il y a des gens que lorsqu'ils sont contents, ils vont faire l'interdit, tout l'interdit. Fil ghadab, Allahu ma'ak. Lorsque tu es en colère, lorsque tu es en colère, tu sens que Dieu est avec toi. Il y a des gens, lorsqu'ils sont en colère, ils font tout l'interdit. من وصل إلى هذا المستوى, celui qui atteindra ce niveau, أي لا شيء ينسيه الله, ça veut dire aucune chose ne lui fait oublier Dieu. Huwa ma'a Allah da'iman. Il est avec Dieu en permanence. Haqqaqa qawla Allah ta'ala. Il va concrétiser, il va réaliser le verset coranique dans lequel Dieu dit: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Madha qala Allah qabla hadhihi al-aya? Qu'est-ce que Dieu a dit avant ce verset? Qala subhanahu wa ta'ala, il a dit: Wa dhakkir, et rappelle. فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ الذِّكْرَ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ car le rappel profite aux croyants. ثُمَّ قَالَ et juste après il a dit ثُمَّ قَالَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ je n'ai créé les humains ou bien les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. وَكَأَنَّهُ يَقُولَ et comme si Dieu nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَذْكُرُونَ أَوْ لِيَتَذَكَّرُونِ أَنَا لِيَتَذَكَّرُونَ et comme si Dieu dit je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils se rappellent de moi. لِأَنَّ ذِكْرَ اللَّهُ هُوَ الْهَدَفُ مِنَ الْعِبَادَةِ parce que l'évocation de Dieu, le fait de penser à Dieu, d'être avec Dieu, c'est le but de toute adoration. Qu'est-ce que Dieu, le Tout-Puissant, a dit à son serviteur ou à son messager, Moïse, prière et salut sur lui. Lorsqu'il a parlé avec lui pour la première fois au-dessus du mont, قال له تعالى في سورة طه Dieu lui dit dans le chapitre طه إنني أنا الله ما أجمله من كلام يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا c'est moi Dieu nulle autre divinité à part moi فاعبدني adore-moi وأقم الصلاة لذكري لتتذكرني لتذكرني لتعيش معي وأقم الصلاة لذكري et célèbre la prière pour mon rappel pour que tu te rappelles de moi فالصلاة وكل أنواع العبادة الأخرى الهدف منها هو أن توصلك إلى ذكر الله إذا كانت صلاتك لا توصلك إلى ذكر الله معنى أنت لا تصلي. Le but de la prière ou toute autre adoration, le but c'est que ces adorations te mènent vers l'évocation de Dieu, vers le rappel. أن تصير مع الله que tu deviennes avec Dieu. في كل أحوالك dans toutes tes circonstances. نحن حتى في الصلاة لا نذكر الله. Nous-mêmes, en pleine prière, on ne se rappelle pas de Dieu. Ceci signifie qu'on ne se rappelle pas qu'on est face à face avec Dieu. Qu'on est avec Dieu dans la prière. On est carrément plongé dans l'oubli. Même au sein de la prière. التي قال عنها الله la prière pour laquelle Dieu a dit وأقم الصلاة لذكري et accomplis célèbre la prière pour mon évocation أيها الإخوة والأخوات mes frères et mes sœurs الذكر ثلاثة أنواع l'évocation existe sous trois types ذكر الجوارح l'évocation des membres du corps ذكر اللسان l'évocation faite par la langue ذكر القلب et l'évocation du cœur le rappel des membres c'est l'obéissance à Dieu l'évocation par la langue l'évocation par la langue c'est le fait de dire Dieu est grand, gloire et pureté à Dieu la louange à Dieu, tu récites le Coran tu fais des prières pour le prophète etc. ذكر القلب l'évocation par le cœur et c'est la meilleure وهذا أحسن شيء هو أن يكون القلب دائما أبدا مع الله l'évocation du cœur c'est lorsque le cœur devient jour et nuit 7 sur 7, 24 sur 24, en permanence avec son Créateur, Allah. En la yansa Allah, c'est que lorsque le cœur n'oublie plus Dieu, qalbuhu, وذكر الجوارح وذكر اللسان يساعد القلب على عدم النسيان. L'évocation des membres, l'évocation de la bouche, lorsque la langue dit Subhanallah, ça aide, toutes ces évocations aident le cœur à évoquer Dieu. تساعد القلب على عدم النسيان, aide le cœur à ne pas oublier. أما الذي يذكر ربه باللسان, tandis que celui qui évoque Dieu par sa langue, وقلبه غارق في النسيان, et son cœur est noyé dans l'oubli, قلبه يذكر أمورا أخرى, son cœur évoque d'autres choses. Imaginez, تخيل واحد سبحان الله سبحان الله وقلبه يقول سبحان الدنيا سبحان الدنيا, الفم يقول شيء والقلب يقول شيء, هذا يذكر الله. Imaginez avec moi quelqu'un qui dit gloire et pureté à Dieu par sa langue, mais son cœur dit gloire et pureté à la vie ici-bas. Deux choses différentes. هذا من قلة الحياء من الرحيم الرحمن. Ceci marque un manque de pudeur vis-à-vis du tout miséricordieux. أخي أختي, frère, sœur, متى تكون ذاكرا لله, quand est-ce que tu es compté parmi ceux qui évoquent Dieu? الجواب, la réponse, عندما تصل إلى هذا المستوى, c'est lorsque tu atteins ce haut niveau. العالي الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان, ce niveau nommé par le prophète prière ça s'appelle al-ihsan, par al-ihsan, la perfection, l'excellence, tu atteins l'excellence dans l'évocation, anta ou dans l'adoration, anta abudallah ka annaka tara, c'est le fait d'adorer Dieu comme si tu le vois, fa in lam takun tara fa'lam bi annahu yara. Mais dans le cas où tu es incapable de le voir parce qu'il est invisible, tu ne dois pas oublier que lui, il te voit. Et tu dois avoir une pudeur vis-à-vis de lui. Tu dois avoir honte de lui. C'est le fait d'évoquer Dieu, de penser à Dieu, de se rappeler de Dieu comme si tu le vois. Et comment, frère ou sœur, tu ne penses pas à Dieu? Tu ne te rappelles pas de Dieu? Et tout ce qui se trouve dans l'univers autour de toi, il te fait rappeler Dieu. Dans le cas où tu réfléchis un peu, dans le cas de réflexion, de méditation, tu vas voir que toutes les choses qui t'entourent, yunadik, t'appellent, liyudakkirak bi rabbik, pour qu'il te rappelle de Dieu. Walakinaka la turid an tasma, mais tu ne veux pas écouter ces choses. Aqrab shay min, tu refuses. Aqrab shay min, la chose la plus proche de toi, yudakkiruk billah, il te rappelle Allah. Awlad, tes enfants, أموال, tes biens. أخي أختي, frère ou sœur, من أعطاك الأولاد, qui t'a donné les enfants, من أعطاك الأموال, qui t'a donné les biens, أإله مع الله, y a-t-il une divinité avec Allah? لا إله إلا الله, il n'y a aucune divinité à part Allah. هذه الأموال, ces biens, هؤلاء الأولاد, ces enfants, بدل أن تتذكر بهم الله, au lieu que tu te rappelles de Dieu grâce à eux, بدل أن تشكر بهم الله, au lieu de remercier Dieu grâce à ses enfants et à ses biens, أنت بهم نسيت الله, à cause de ses biens, à cause de ses enfants, tu as fait le contraire, tu as oublié Dieu. نسيت الذي أعطاك, tu as oublié celui qui t'a donné. نسيت الذي لا ينساك, tu as oublié celui qui ne t'oublie jamais. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. Ô vous qui avez cru, ne vous laissez pas distraire du rappel de Dieu par vos biens et par vos enfants. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Celui qui s'en laisse distraire, ce sont ceux-là les perdants. وَكَانَ اللَّهُ يَقُولُ لَنَا. Comme si Dieu nous disait, هُوَ أَنَا أَعْطَيْتُكُمُ الْأَمْوَالَ وَالْأَوْلَادَ لِتَذْكُرُونِ وَأَنْتُمْ نَسِيتُمُونِي. Comme si Dieu nous disait, comment se fait-il? Moi, je vous ai donné les biens et les enfants pour que vous vous rappeliez de moi. Et vous avez fait le contraire, vous m'avez oublié. هَذَا هُوَ طَرِيقُ الْخُسْرَانِ. Il nous dit, voilà le chemin de la perte. وَهَلْ هُنَاكَ خُسْرَانٌ أَكْبَرٌ مِنْ أَنْ تَخْسَرَ رَبَّكَ. Et y a-t-il une perte aussi grave que le fait de perdre ton Seigneur? أخي أختي كل ما هو حولك. Frère ou sœur, toute chose qui est autour de toi, خلقه الله لك. Dieu l'a créé pour toi, oui pour toi. ليدلك على الله, afin que cette chose te rappelle Allah, t'indique Allah. ليذكرك بالله كي لا تنسى, afin que tu n'oublies pas. لا تنظر إلى المخلوقات. Ne regarde pas les créatures autour de toi. من حولك. وتقف عند المخلوقات. Et tu t'arrêtes au niveau des créatures. وتبدأ في علاقة مع المخلوقات. Et tu commences une relation avec les créatures. وتنسى الخالق. Et tu oublies le Créateur. لا تجعل المخلوقات حجابا بينك وبين الله. Ne fais pas, mon frère ou ma sœur, des créatures un voile obscur entre toi et Dieu. Ne laisse pas les créatures te faire oublier le Créateur. Mais à travers les créatures, observe le Créateur. Fais de chaque créature رَسُولًا مِّنَ اللَّهِ يُذَكِّرُكَ بِاللَّهِ. Fais de chaque créature qui passe autour de toi un envoyé spécial venant de la part de Dieu pour toi qui te rappelle Allah. إِيَّاكَ أَن تُعْمِيَكَ الْمَخْلُوقَاتِ. Ne te laisse pas, mon frère ou ma sœur, aveuglé par les créatures. فَلَا تَرَى الْخَالِقِ. Si tu deviens aveugle, tu ne verras pas le Créateur. فَاللَّهُ أَكْبَرْ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ. Dieu est plus grand que les créatures. وَأَكْبَرْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. Est plus grand que toute autre chose. فَوْقَ الْأَرْضِ الْآنِ. Au-dessus de la terre aujourd'hui. 6 milliards min al-bashar. Il y a 6 milliards d'humains. Al-bashar, al-du'afa mithli. Des humains faibles, très faibles, infiniment faibles comme moi. Wa ba'du ha'ula'i al-bashar sayansunak Allah. Et quelques-uns de ces humains vont te faire oublier Allah. Anta kam ta'rif min al-bashar? Combien tu connais d'humains, mon frère ou ma sœur? 10, 10. Mais 100. 1000 1000 من البشر 1000 بالنسبه ل 6 المليار ينسيوك الله تعالى تبارك انت ما عرفتش 6 المليار كلهم 1000 personnes tu connais et ces 1000 personnes avec leurs problèmes avec toi tu vas oublier Dieu tu vas penser aux problèmes et oublier Dieu et tu ne connais pas les 6 milliards pense à celui qui donne la subsistance à chacun d'eux des 6 milliards et personne ne lui fait oublier l'autre créature. تذكر بأن الأرض التي تحملهم. Rappelle-toi, mon frère ou ma sœur, que la terre qui porte ces 6 milliards, ما هي إلا كحبة رمل في ملكوت الله. La terre qui porte les 6 milliards, cette terre n'est qu'un grain de sable, ressemble à un grain de sable dans le royaume infini de Dieu. فأنت إذن كالذي حبسته حبة رمل واحدة من رؤية الصحراء. Donc tu ressembles, frère ou sœur, à quelqu'un qui a été gêné par un grain de poussière ou un grain de sable, et à cause de ce grain, il n'a pas vu l'immense désert qui est derrière le grain. أو حبسته شجرة واحدة من رؤية الغابة. Tu ressembles à quelqu'un qui a été gêné par un seul arbre, Et à cause de cet arbre, il n'a pas vu la forêt immense qui est derrière l'arbre. Idan, fa anta sarta kal a'ma. Donc frère ou sœur, tu es devenu comme l'aveugle. Wallahu yaqul, et Dieu dit: "Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Dieu dit dans un verset, et celui qui aura été aveugle dans ce monde, celui-là sera dans l'autre bien plus aveugle encore et sur une voie bien plus aberrante. Al-umyu huna laysa umyu al-aynayn. L'aveuglement ici dans ce verset coranique ne correspond pas à l'aveuglement des yeux, walakin umyu al-qalb an-nasi lillah. Mais il s'agit de l'aveuglement du cœur, ce cœur qui a oublié Dieu. Qala ta'ala, Dieu dit dans un verset coranique: fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi as-sudur. Car ce qui devient réellement aveugle, ce ne sont pas les yeux, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. Akhi ukhti, frère ou sœur, kun ka hadha ar-rajul, sois comme cet homme, as-salih, cet homme vertueux, alladhi idha ra'a al-ashjar tataharrak, cet homme lorsqu'il voyait les feuilles des arbres bouger, tadhakkar Allah, avec l'action, avec le mouvement, ce petit mouvement des feuilles d'arbres, il se rappelait de Dieu, yatadhakkar Allah, li'anna alladhi harraka al-ashjar huwa ar-rih. Parce que l'objet ou la chose qui a fait bouger les feuilles, c'est le vent. وَالَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ هُوَ اللَّهُ. Et celui qui a envoyé ce messager qui s'appelle le vent, c'est Dieu. فَيَقُولَ الرِّيحَ رَسُولٌ مِنْ رَبِّي. Et l'homme vertueux disait: le vent est un envoyé spécial de mon Seigneur. Il m'est venu à l'instant pour me faire rappeler mon Seigneur. Cet homme vertueux se comportait ainsi avec toutes les choses qui l'entouraient. Lorsqu'il entend le tonnerre, min barq lorsqu'il voit l'éclair, min matar lorsqu'il voit la pluie, min sahab lorsqu'il voit le passage des nuages, il est éveillé, il n'est pas endormi comme nous. Insan mustayqid laysa na'im mithlana, min shams lorsqu'il voit le soleil, min qamar lorsqu'il voit la lune, min nujum lorsqu'il voit les étoiles, min bihar lorsqu'il est face à l'océan ou bien aux mers, min rijal lorsqu'il voit les hommes dans leur diversité. Subhanallah, gloire et pureté à Dieu. Tu es dans le train, tu vois des visages différents, ça doit te faire penser à Dieu, au Créateur. La ilaha illallah, min nisa, lorsqu'il voit les femmes, min sihha, lorsqu'il regarde qu'il jouit d'une bonne santé, min marad, lorsqu'il voit qu'il est touché par une maladie, min farah, lorsqu'il voit qu'il passe par un moment de bonheur et de joie. Le bonheur, la joie, c'est Dieu qui l'envoie vers toi. Personne n'arrive à réaliser son propre bonheur ou sa propre joie. C'est Dieu. On ne doit pas oublier celui qui nous a mis dans une situation de bonheur. On doit le remercier. Souvent, on l'oublie. Et dans le bonheur, on lui désobéit. Min farah, min huzn, lorsqu'on passe par la tristesse. Kul ma yarahu min hawlihi, hadha ar-rajul as-salih yara fihi tawqi'an lillah ta'ala wa tabarak. Tout ce qu'il voyait, ça veut dire cet homme vertueux, tout ce qu'il voyait autour de lui, il y voyait une signature qui porte le nom de Dieu. فَهُوَ مَعَ اللَّهِ, il était avec Allah. فِي كُلِّ أَوْقَاتِهِ, dans tous ses moments. بَلْ مَعَ كُلِّ أَنْفَاسِهِ, plutôt avec tous ses souffles de respiration. ثَانِيَ بَعْدَ ثَانِيَ, seconde après seconde. هَذَا مَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمَّا عَلَّمَنَا أَنْ نَقُولَ أَذْكَارًا. C'était la chose voulue par le messager de Dieu, prière et salut, lorsqu'il nous a enseigné des évocations, مُرْتَبِطَ بِالزَّمَانِ أَوْ بِالْمَكَانِ, des évocations liées soit à des endroits comme la mosquée ou autre, ou soit à des moments, des temps. قَبْلَ وَبَعْدَ النَّوْمِ, avant et après le sommeil. Tu dois dire qabla wa ba'da al-akl, avant et après le manger. Tu dois dire inda nuzul al-matar, lors de la pluie, inda ar-ra'd, lors du tonnerre, inda nadar as-sama', lorsque tu vois le ciel, hatta nabqa da'iman ma'a Allah, ainsi on reste toujours avec Dieu. Wa ay daqiqa la natadhakkar fiha Allah, sanandam 'alayha lamma naqif amama Allah. Et frères ou sœurs, crois-moi, chaque minute qui passe et on ne se rappelle pas pendant cette minute à Dieu ou de Dieu, on va la regretter le jour où on sera face à face avec lui, le jour de la résurrection. Yawm al-qiyama. Hadhi hiya al-ibada al-haqiqiyya lillah ta'ala wa tabarak. Telle est la vraie adoration de Dieu le Très-Haut. Wa hadha ma talab. Et c'est la chose que Dieu nous a demandé. Hadha ma talab min ibadihi al-mu'minin. Lorsque Dieu s'est adressé aux croyants dans un verset coranique, fi hadhihi al-aya al-karima, qala lahum ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira. Mush qalila, dhikran kathira. Ô vous qui avez cru, évoquez, rappelez-vous de Dieu d'une façon pas petite, abondante. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, et proclamez sa gloire et sa pureté de bonheur et à la tombée de la nuit. أخي, أختي, frère, sœur, هل تذكر الله في حياتك? Est-ce que tu te rappelles vraiment de Dieu dans ta vie? بمعنى لا تنسى الله, ça veut dire tu n'oublies pas Dieu. كم تذكر الله? Combien tu évoques Dieu? ثانية في اليوم, une seconde par jour et tu l'oublies. Il y a des gens qui n'évoquent pas Dieu même une seconde par jour. Ils ne pensent jamais à Dieu. Et toi, mon frère ou ma soeur, tu te rappelles de lui une seconde? Tu te rappelles de lui une minute et tu l'oublies? Combien tu restes avec Dieu, avec le roi de ton par jour? Plutôt, je formule autrement la question, frère ou sœur, combien tu restes avec Dieu pendant la prière? Il y a des gens qui disent Allahu Akbar fi salat, dans la prière, et il abandonne Dieu, il est au sein de la prière, afin de vivre devant Dieu dans la prière, mais avec sa bien-aimée, la vie ici-bas. Fais cette expérience. Lorsque tu es seul dans ta voiture, lorsque tu es dans le train, fil qitar, fil bayt, lorsque tu es dans la maison, ila akhire, etc. Tadhakkar Allah, pense à Dieu. Wandur kam satabqa ma'a Allah. Et lorsque tu penses à Dieu, regarde combien de temps tu vas rester avec lui. Thaniya, une seconde et après tu vas oublier. Daqiqa wa tansa, une minute et après tu vas oublier. Thalath daqa'iq thumma tansa, est-ce que tu vas rester avec lui plus qu'une seconde, plus qu'une minute? Trois, et tu vas l'oublier. Jihadu huwa an tutil hadhihi al-mudda yawma ba'da yawm. Ta lutte, ton jihad, mon frère ou ma sœur, c'est que tu augmentes cette durée que tu passes avec Dieu chaque jour. Hatta tusbih ma'a Allah, jusqu'au point que tu deviens avec Dieu. Alladhi yunsika Allah thalatha. Trois choses, frère ou sœur, te font oublier Allah. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah, ne vous laissez pas distraire par vos biens, par vos enfants, de l'évocation de Dieu. Al amwal, les biens, al aulad, les enfants, wa aya ukhra as'ab, et un autre verset coranique qui est plus dangereux que le premier. Qala Allah, Dieu dit, استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. Le diable les a mis sous sa domination et leur a ainsi fait oublier toute évocation de Dieu. إذا كنت لا تذكر الله اعلم بأن الشيطان استحوذ عليك وضعك في جيبه يلعب بك كالكرة. dans Lucas, frère ou sœur, où tu ne te rappelles pas chaque jour et pendant une longue durée de Dieu, sache, frère ou sœur, que tu es dominé par le diable. Le diable t'a mis dans sa poche. Le diable t'utilise comme une balle de jeu. فإذا أصبحت مع الله mais lorsque tu luttes contre ces trois لما تجاهد هؤلاء الثلاثة وتصبح مع الله et tu vis pour Dieu, tu es avec Dieu. كان الله معك lorsque tu es avec Dieu, Dieu sera à son tour avec toi. وإذا كان الله معك فمن يستطيع أن يضرك et si Dieu, lui, le grand, le roi, est avec toi, qui peut te nuire? Dis-moi, qui peut te nuire? Man yadurruk, sirta fi janna fawq al-ard bi fadl al-qurb min Allah. Tu vas vivre dans un paradis terrestre grâce à la proximité de Dieu. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. N'est-ce pas vrai qu'avec l'évocation de Dieu que les cœurs se rassurent? Ahsan al-mu'minin, le meilleur des croyants. هو من ترى جسمه بين الناس يسعى في السوق في العمل في ترى جسمه بين الناس يسعى وقلبه في الملأ الأعلى عند ربه يرعى الجسم فوق الأرض بين الناس يسعى والقلب فوق السماوات عند الرب يرعى. Le meilleur des croyants est celui que tu le vois parmi les gens sur la terre et en train d'agir, mais son cœur se trouve dans la cour la plus haute, au-dessus de cieux, des cieux, en train de se nourrir. Jismun fawq al-ard wa qalbun fawq as-samawat, un corps au-dessus de la terre, mais un cœur au-dessus des cieux. Wa huwa yadhkuru Allah fawq al-ard, il mentionne, il évoque Dieu sur la terre. Wallahu yadhkuruhu fawq as-samawat, et Dieu l'évoque au-dessus des cieux. Ma ajmalaha min alaqa, quelle belle relation. Qala ta'ala fadhkuruni adhkurkum, Dieu dit dans un verset coranique, évoquez-moi donc et je vous évoque. Nas'alullah ta'ala wa tabarak an nakuna min ad-dhakirin wad-dhakirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il al-muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.